Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois une guerrière. Ses armes, des talons, des chaises, des pôles, mais surtout son propre corps, comme une lame affûtée à la sensualité pour trancher le patriarcat et reconquérir nos désirs et notre pouvoir d'agir. Ces champs de bataille sont multiples, les cabarets queer, mais aussi les scènes institutionnalisées de danse contemporaine, où les normes et les codes s'expriment différemment, mais où la lutte est tout aussi âpre pour décorseter nos désirs et nos vies. Aujourd'hui, je reçois Camille Da Silva. Bonjour Camille. Waouh, bonjour. Oh my god. Oui, c'est toujours un petit plaisir perso, les intros. Puis en plus, toi, tu m'avais envoyé plein de documentation, donc j'avais plein de... Ouais. Meilleure présentation. Et j'adore. Ça va, tu vas bien? Un peu malade? Ça va, un petit peu malade. Du coup, c'est pas ma vraie voix. J'ai un peu mal à la gorge, du coup. J'adore. Disclaimer, ceci n'est pas la vraie voix de Camille Da Silva. C'est un doublage. Alors, déjà, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Moi, je pense que c'est bien peut-être pour commencer, parce que toi, tu évolues vraiment, comme je l'ai dit en intro, de manière un peu romancée, mais sur deux tableaux. Le tableau des cabarets queer, qui est l'objet de Freaks et Merveilles, et dont je suppose que le public a au moins entendu un peu parler. Mmh. Et puis, la danse contemporaine, ouais. Qui est, alors, de ce que je vois, parce que je suis allé voir en tant que spectateuriste quelques pièces de danse contemporaine, mais c'est vraiment un truc que je vois de loin, qui est vraiment un tout autre délire que le cabaret queer. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionne pour toi, la danse contemporaine aujourd'hui, parce que moi je viens du théâtre où c'est beaucoup des projets où on commence en répétant dans son coin, puis on essaye de choper des subsides, on essaye de choper des coprods, etc. Et c'est des pièces qui coûtent assez cher et qui sont très répétées et tout ça. Est-ce que la danse contemporaine ça fonctionne comme ça aussi? Alors déjà je veux juste préciser un petit point, c'est que moi j'ai découvert le monde du cabaret assez récemment. Il y a environ 3 ans quand j'ai commencé la pole dance, mais avant ça je connaissais pas vraiment, et danse contemporaine j'en fais depuis que j'ai 14-15 ans, et pour répondre à ta question, je pense que on va dire que oui, il y a les mêmes systèmes de production que le théâtre. Ça passe des fois par des grosses institutions, mais il y a aussi d'autres espaces qui existent, notamment de la création, on va dire, hors circuit de grosses productions. Il y a aussi beaucoup, tout un aspect pédagogique, beaucoup de transmission, de workshops dans la danse, différentes méthodes aussi et techniques, voilà. D'accord, mais du coup, la création d'une pièce de danse contemporaine, ouais. Globalement, ça fonctionne comment? De manière un peu générale, en gros, tu as une idée. Par exemple, en tant que chorégraphe, tu as une idée, tu écris un dossier sur ce que tu aimerais mettre en scène à partir de cette idée. Normalement, si tu fais les choses dans l'ordre, tu demandes des sous. Du coup, à des institutions à Bruxelles, je sais qu'il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles à laquelle tu peux demander dans un premier temps une bourse de recherche, puis quand tu as une date de première pour ton spectacle, tu peux demander l'aide à la création. Il y a aussi d'autres bourses qui existent, notamment celle de Charleroi Danse. Et puis, il y a aussi différents appels à projets qui peuvent aussi... te donner des coproductions pour développer ton projet, des théâtres aussi. Donc voilà, quand tu as ton dossier, normalement, le mieux c'est de demander des sous, d'avoir des sous en fait avant de travailler. Ça se passe pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de projets qui démarrent sans argent et qui en ont après. Et voilà, l'idéal étant de payer, d'être payé. Ça dépend. Si tu arrives à en trouver ou pas des sous. Et donc, petit à petit, en partie en travail gratuit, en partie en travail rémunéré avec l'argent que tu as pu choper, tu rassembles une équipe de danseuses Ça dépend ce que tu veux mettre en scène. Moi, je sais que par exemple, je crée un solo, du coup c'est moi qui danse sur scène, mais il y en a d'autres qui ont envie de chorégraphier, du coup qui vont inviter des gens sur le plateau, du coup des interprètes. Mais il y a aussi tout l'aspect technique, donc je sais pas si par exemple tu veux des costumes, bah, il y a des costumiers, costumières à payer, des techniciens si tu veux des éclairages, des lumières spécifiques, musiciens aussi si tu veux vraiment une composition originale, et puis après des régisseurs, régisseuses, des regards extérieurs, des dramaturges aussi pour t'aider, on va dire, au fil au rouge de ton spectacle. Pour prendre ton cas particulier, donc tu m'as envoyé un très très beau dossier qui s'appelle donc A Way to Sassy. Voilà. Et donc qui mélange sexy et sassy, donc bah, sexy, le fait d'être sexy, et sassy, c'est plutôt un peu cette attitude, c'est un adjectif qu'on utilise beaucoup pour par exemple qualifier des drag queens ou quoi. Mm-hmm. Sassy a un côté un peu impertinent, insolent, espiègle. Voilà, c'est ça. Et donc concrètement, toi là dans ce projet, déjà tu t'auto-chorégraphies, parce que de ce que j'ai compris du dossier, c'est une collaboration avec une costumière qui travaille vraiment côté textile. Ouais. Oui, c'est ça, Anne-Sophie Delft qui en plus travaille beaucoup, si je comprends bien, sur une esthétique très BDSM. Vous avez cherché vraiment dans cette... Ouais, Anne-Sophie, de base, elle est du coup designeuse textile, plus dans le milieu de la mode. Et de base, c'est vrai qu'elle a une esthétique assez... assez BDSM, je dirais. Mais du coup, encore plus pour le projet, on est allé chercher dans cet imaginaire-là, davantage. Voilà. Ouais. Mais du coup, tu t'auto-chorégraphies Ou est-ce que t'as quand même marrant, des... C'est marrant de dire de m'auto-chorégraphier. Disons que, en fait, justement pour pas... faire ça toute seule, j'ai directement demandé du coup à Juliette Auter de m'assister à la chorégraphie. Et du coup, pour créer cette chorégraphie, moi, je sais que j'ai plein d'idées, plein d'images en tête que j'ai envie du coup de sortir et de poser sur la table. Et Juliette m'aide à mettre ça en ordre, à mettre ça en mouvement, à écrire ça en fait. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un peu un dialogue à deux. Ouais. C'est ça, autour des idées que tu as et de comment les porter concrètement au plateau et les mettre en scène, quoi. Ouais, exactement. Super. Et par rapport, alors, on va vraiment dans la deuxième partie du podcast parler plus frontalement de l'aspect cabaret des choses. Ouais. Mais pour déjà faire un parallèle avec la manière dont on travaille en cabaret, ou la manière la plus fréquente, je dirais, de travailler, en tout cas, comme moi je l'ai expérimenté, c'est qu'en fait, on travaille dans son coin des performances de 3, 4, 5 minutes. Et puis, on est booké pour des shows où on vient jouer ces performances. Ou alors, le show fait une espèce de commande où on se dit, ah ben, comme le show est thématique, on va créer une perf pour l'occasion. Mais on fait à chaque fois des numéros de 3, 4, 5 minutes. Mmh. Est-ce que, en danse contemporaine, du coup, tu dirais que c'est un peu comme des performances mises bout à bout et qui finalement créent quelque chose de plus grand? Ou comment est-ce que tu... Ou est-ce que c'est vraiment pourtant un travail complètement différent du travail de performance? En tout cas, à l'intérieur, quand je suis interprète dans des spectacles de danse contemporaine, c'est pas du tout... c'est pas la même intention, je dirais. Quand je fais des perfs dans le milieu du cabaret, il y a un côté hyper... tu donnes tout, c'est hyper intense en très peu de temps. C'est très explosif. Et en danse contemporaine, je dirais qu'il y a plus quelque chose à tenir, parce que ça va être souvent des spectacles beaucoup plus longs, des fois 40, des fois 50 minutes, des fois une heure, des fois une heure et demie. Du coup, il y a quelque chose qu'il faut réussir à tenir, et dans l'interprétation, dans la présence scénique, et dans le corps aussi, dans la qualité de mouvement, dans la chorégraphie écrite, dans quand tu danses avec d'autres gens, dans la relation avec les autres danseurs sur le plateau. Voilà, il y a plein de facteurs comme ça et qu'il faut réussir à tenir le temps du spectacle, quoi. Mmh. Ouais. Mais parce que, alors moi, j'ai jamais vu de solo de danse. Ouais. Et du coup, les quelques pièces dansées, chorégraphiées que j'ai vues, ben justement, il y avait plusieurs interprètes et on sent que bon, il y a des numéros de groupe et puis il y a des moments où, en fait, il y en a qui se reposent un peu pendant que d'autres font Ouais. des solos ou font des pièces à deux ou à trois. Mais toi, du coup, t'es seule. Donc... Donc, toi, tu ne t'arrêtes jamais ou est-ce que tu t'assumes d'avoir des moments plus de repos qui sont assumés face publique. Du coup, dans mon solo, ouais, c'est ça, ouais. Dans ton solo, comment tu fais, du coup, pour tenir 40-50 minutes de danse solo ouais. plateau L'idée, c'est que ça... En tout cas, l'idée, on s'est fixé que ça ne devrait pas durer plus de 40 minutes. Parce que je me dis que pour un solo, voilà, 40 minutes, c'est bien. Et l'idée... non, mais je suis maso, mais moi, l'idée, c'est de jamais m'arrêter. En tout cas, de pas m'économiser, mais au contraire de... En fait, c'est une progression. Ce qu'on essaye de mettre en scène, c'est différents tableaux et, qui se traduit via différents mouvements, différentes énergies, mais qu'il y ait quelque chose dans le rythme qui s'arrête jamais. Même si, des fois, il y a la fatigue qui apparaît ou, justement, moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est la vulnérabilité, en fait, quand il y a quelque chose un peu que tu lâches. Enfin, un certain lâcher-prise, en fait, quand tu arrives à un certain épuisement physique, il y a quelque chose que je trouve très, très beau à ce moment-là. Et voilà, pour moi, c'est la vulnérabilité ou la fragilité, mais mis en scène. Et je trouve que c'est des moments très intéressants, en fait, à montrer aussi. Et malgré la fatigue, il y a quand même quelque chose à tenir, quelque chose à montrer. Et pour moi, ça fait partie aussi des différentes facettes de, bah, d'un danseur, d'une danseuse, en fait. D'avoir le côté endurance, puissance, mais aussi voilà, vulnérabilité, fatigue. Et du coup, j'ai envie de montrer ces différentes facettes-là dans le solo. Voilà. Ok, super. Et, mais du coup, donc dans ta préparation, dans ta chorégraphie, tu prévois, entre guillemets, quels seront tes niveaux d'énergie ou est-ce que... Tu vois, parce que évidemment, tu ne vas pas être fatigué de la même manière chaque soir, j'imagine. Ouais, ouais. Selon ta journée, ta qualité de sommeil, ce que tu auras mangé, je ne sais pas quoi. mais du coup, est-ce que tu te dis que tu as une ligne chorégraphique et qu'à un moment, la fatigue viendra et il faudra l'accueillir et faire avec ? Ou est-ce que vraiment, en fait, tu te connais suffisamment bien pour savoir, en fait, à ce moment-là, je serai crevé et donc on va passer dans ce mode-là et dans cette énergie-là ? Bah, c'est vrai qu'il y a, du coup, en fait, le solo, il est très écrit. Il y a vraiment une partition, très écrite dans le corps, très écrite dans le mouvement, dans l'espace, dans bah justement la transformation aussi du costume, parce qu'au fur et à mesure, j'ajoute des accessoires, j'en enlève, etc. Donc il y a vraiment une évolution. En termes d'énergie, bah, c'est vrai qu'en fonction des jours, je ne ferai jamais la même chose deux fois. Mais malgré tout, il y a quand même un truc à tenir. c'est-à-dire que, par exemple, le début, il est très, très, très rythmé parce que je fais des mouvements de bassin pendant 15 minutes et je ne m'arrête pas sur de la musique en mode électro-clubbing. Enfin, voilà, c'est hyper, hyper soutenu comme rythme. Et ça, je sais que je ne dois pas le lâcher parce que visuellement, ça crée un effet hypnotique. Et si c'est, entre guillemets, hein, mal fait, bah, y a quelque chose qui ne marche pas et qui, du coup, ne va pas contraster avec le tableau d'après. Et du coup, moi, je sais que même si, par exemple, je suis fatiguée ou que, voilà, qu'il faut que j'arrive à tenir mes tableaux pour que, en fait, le tout soit lisible au fur et à mesure de, bah, de l'évolution, de la progression du solo, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si, si. Ouais. Si, si, c'est chouette que... Tu tiens, en fait, l'écriture, elle... Enfin, aussi, j'aime bien cette notion de contraste. Et du coup, ben, comme on pourrait avoir dans une perf de cabaret de 3-4 minutes, ou que justement, ça ne permet pas, une perf de 3-4 minutes, d'avoir des contrastes sur la durée. Mm-hmm. En fait, ce qu'on crunch en 3-4 minutes en cabaret, où on se dit, bah, du coup, une minute, je vais faire ça, et puis après, je change de musique pour faire ça. Ouais. Toi, tu peux te permettre de l'étirer, mais du coup, tu dois le tenir oui, ouais. pour qu'on installe vraiment dans le public. Ouais, c'est ça. Une première ambiance et puis qu'après on puisse faire tout. Ouais, j'aime beaucoup ce mot d'installer, installer les choses, poser les choses complètement. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Et est-ce que du coup, en contraste, est-ce que en cabaret, t'estimes que t'as aussi ce temps d'installer des choses ? Ou est-ce que pour toi le cabaret, puisque tu parlais en plus et je trouve très justement de quelque chose de très intense et très explosive dans une période de cabaret. Est-ce que du coup, pour toi, le cabaret, c'est en fait une couleur qu'on va donner à 150%? Ou est-ce que tu te permets aussi des... Parce que si pour avoir... Bon, je t'ai booké, et puis je t'ai vu performer, je trouve qu'il y a aussi... Tu racontes aussi des histoires et tu as aussi des évolutions. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop frustrant pour toi de devoir tout condenser comme ça? C'est vrai que, en fait, quand j'ai réfléchi, les performances que j'ai créées, au final, j'ai pris la liberté de quand même poser les choses. J'aime beaucoup, en fait, tout ce qui est introduction. Et au final, je me rends compte que dans les différents numéros que j'ai créés, j'ai pris le temps d'installer les choses. J'aime bien avoir des petites musiques d'intro pour présenter mon personnage, planter le décor, commencer un peu à interagir avec le public. Et après, quand il y a vraiment, on va dire, le cœur de la perf, balancer la sauce, quoi. mais c'est vrai que je me rends compte que dans la construction de mes numéros, il y a ça. Une intro et puis le cœur du show, quoi. Voilà. Yes, trop bien. Alors l'heure tourne, mais je propose avant de faire une première pause de se pencher sur un autre aspect très important de ton travail qui est le rapport à l'érotisme. Ouais. Alors en plus, je trouve que tu avais des phrases très très fortes dans ton dossier que... c'est parce que ce que je disais en intro, que ton corps était une arme, je trouve que c'est présent. Ta première phrase, c'est « Mon corps est une affirmation politique ». Ouais. C'est quand même pas rien. Ouais. Et tu choisis, notamment à travers ce solo, mais aussi dans ton travail en cabaret, d'explorer l'hypersexualisation. Exactement. Et en plus... des personnes sexisées et des femmes cis, parce que c'est beaucoup cet imaginaire-là qui est utilisé dans le patriarcal capitalisme actuel pour nous vendre toutes sortes de choses. Pour toi, du coup, l'érotisme, qu'est-ce que c'est et en quoi, pour toi, c'est quelque chose dont tu peux t'emparer dans ton travail, quoi ? C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée... depuis que je suis toute petite, en fait, depuis que je suis adolescente, surtout via beaucoup via les pop stars et aussi via certaines héroïnes de films et de dessins animés. En fait, ce qui me fascine dans ces représentations féminines, c'est surtout la dualité, cette contradiction entre personnages hyper badass, puissants, empouvoirés, et en même temps une certaine, du coup, comme tu dis, hypersexualisation. Des attributs qu'on va dire, qu'on va qualifier féminins, attirants, désirables. Et je me rends compte que plus je grandis, plus l'érotisme, pour moi, c'est ça. C'est une dualité. Mais pour moi, l'érotisme, ça englobe un peu tout ça. Ce côté puissant, fort, sexy, très affirmé, très assumé. Aussi, tous les codes un peu dictés par la société patriarcale, à savoir, le côté désirant, désirable. Je sais pas comment expliquer. Est-ce que du coup, pour toi, pardon de te couper, est-ce que pour toi, c'est aussi une manière, comme par exemple les populations queer ont pu se réapproprier des insultes à leur égard ou quoi, est-ce que tu vois ça aussi comme une manière de t'approprier ce regard qui peut être vécu comme objectivant de la société sur la femme, de dire tu es un objet de désir sexuel et tu es un objet de consommation pour l'homme, et d'en tirer un pouvoir et d'en tirer une puissance par ton art ? Complètement même. Il y a beaucoup de ça, de comment... dans ma tête, c'est un peu, ok, il y a ça qui existe. Il y a les avantages, les inconvénients, il y a ces contradictions-là. Comment moi, je récupère ça pour... à la fois m'en affranchir, mais à la fois me rendre plus forte de ça, sans dire que c'est pas bien, en fait. Moi, je suis pas dans ce truc de dire « Ah, mais ça, c'est pas bien, c'est trop sexy, trop provocant, trop vulgaire. » Au contraire, pour moi, en fait, il y a plusieurs possibilités de dire les choses, d'être femme, entre guillemets, d'exprimer de l'érotisme. Il n'y en a pas qu'un. Donc, pour moi, ça va être se réapproprier plusieurs codes, plusieurs vocabulaires gestuels. Moi, je m'inspire beaucoup des danses sexy, du coup, dans le solo. Et comment, avec ça, je me crée mon personnage, comment j'essaye de m'émanciper un peu, on va dire, des diktats et réinventer mon propre langage. Voilà, c'est un peu tout ça. Je me perds dans mes idées, c'est pas possible. Non, c'est super intéressant. Eh bien, on va justement faire une pause, le temps de rassembler nos idées, oui. Et de s'abreuver aussi à cette belle source que tu nous proposes, qui est Planet Terror, oui. Et sa BO. Et donc là, on va écouter Grindhouse, donc issu de la bande originale de Planète Terror par Robert Rodriguez. Vous êtes toujours sur Radio Panique. On vous retrouve juste après ça. Waouh, ce final. Ouais, incroyable. Oui. Tu me parlais un petit peu du film pendant la pause. Oui. Et donc, l'héroïne a une jambe M16, comme ça, une jambe mitrailleuse avec laquelle elle désingue du zombie. Oui. C'est un peu est trop forte. C'est un peu une métaphore de toi, comme on en parlait dans la première partie, non? Ah oui, je veux bien. Mais donc, pour revenir au sujet du podcast, mais en fait, bah oui, d'ailleurs, tu m'as dit que tu as performé sur cette musique. Ouais, en fait, c'est la dernière perf que j'ai créée, je l'ai faite sur cette musique. C'était à l'occasion du show Rock and Dolls qu'on a fait chez ta mère, au bar chez ta mère, la semaine dernière, le 15 février. Ah oui, donc c'est tout frais. Ouais, et l'idée c'était de, du coup, de, bah voilà, de créer des numéros sur mesure, du coup, sur de la musique rock, et avec voilà, tout ce que peut signifier le mot dolls. Mmh. Et du coup, moi, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec ce personnage qui s'appelle Cherry Darling dans Planet Terror. Donc, je me suis allègrement servie de la DA du film, son costume, la musique, tout ça. Voilà, et j'ai fait un numéro de Paul. Yes, alors ben justement, tu parlais du fait que tu étais arrivée dans le cabaret queer par la pôle. Ouais. Est-ce que, bon, on a déjà eu deux épisodes sur la pôle, donc on va pas trop s'apesantir sur le sujet, même si je l'aime beaucoup, mais est-ce que ça a été est-ce que ces recherches sur l'érotisme et tout ce dont tu nous parlais en première partie, est-ce que c'est arrivé avec ta découverte du cabaret queer ou est-ce que c'était déjà présent avant ? C'était déjà présent avant, mais on va dire que ça a encore plus amplifié tout ça. Ça a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière et en fait les choses se sont tout de suite très vite éclaircies pour moi et j'ai su en fait ce que je voulais faire grâce à la pole dance puis après à la chair dance, au strip, à toutes les pratiques érotiques. Enfin, ça a vraiment créé une symbiose dans tout ça et où je me suis dit mais en fait ouais, je vais faire un projet où j'ai envie d'aborder tout ça. Et voilà, en tout cas, ça a fait sens beaucoup plus à ce moment-là. Ok, et à ton avis, comment ça se fait que le cabaret queer, pour toi, ça a été un amplificateur de toutes ces questions que tu te posais ou de ces sujets qui t'intéressaient déjà avant ? Parce que je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup questionné dans ce milieu-là. Le genre, la sexualité, l'identité. Je sais pas, je me suis sentie un peu plus légitime à questionner ces choses-là parce que du coup, je sentais qu'il y avait l'espace pour aussi peut-être autour de moi la bienveillance et je sais pas, j'ai senti qu'il y avait en tout cas l'espace pour faire ça. Mmh. Mmh. Tu t'es mise au bout d'un moment à performer en pôle et en danse. Enfin, moi, en tout cas, je t'ai vue en lap dance et en pôle. Ouais. Est-ce que tu as senti dans la réception par le public ou dans ce qu'offraient les scènes cabaret aussi quelque chose de différent de ce que tu pouvais ressentir en danse contemporaine ? Ouais, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est, bah déjà, ce truc de réaction du public, c'est pas du tout la même. Enfin, le public en cabaret est quand même hyper chaud. Ça applaudit, ça crie, ça hurle à la moindre interaction. Et je trouve ça... C'est hyper galvanisant quand t'es sur scène, c'est trop cool. J'aime beaucoup ce contact direct avec les gens, cette espèce de jeu-là, je trouve ça trop chouette et hyper gai. Voilà. Mmh. Alors que en pièce de danse contemporaine, c'est plus feutré. Après, j'ai l'impression que ça existe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus l'espace pour les gens de s'exprimer. D'accord. En tout cas, moi, je danse dans un spectacle qui convoque ça, beaucoup de contact avec le public. Et du coup, il y a un peu plus de réaction de la part des spectatrices. C'est un spectacle d'ailleurs qui s'appelle « Baisse cantate » de la compagnie La Drache. Voilà, comme ça, vous savez, si vous voulez venir nous voir. Mais bref, et du coup, je sens que... Enfin, en tout cas, dans la danse contemporaine, il y a quelque chose d'un peu plus concentré, entre guillemets, plus solennel, et peut-être parce que aussi il y a un truc qui se veut un peu plus sérieux. Et ouais, voilà. Après, il y a aussi ce truc de, comme les spectacles durent longtemps, c'est une proposition d'une heure, du coup, pendant une heure, l'artiste va nous embarquer dans sa proposition artistique, et du coup, on va être avec elle, on va être avec lui jusqu'au bout. Je me dis des fois peut-être que les gens n'osent pas réagir justement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont respectueux, qu'ils sont concentrés. Moi-même, il y a des fois, je vais voir des spectacles et j'ose pas réagir parce que... D'ailleurs, ça m'a fait bizarre quand j'ai découvert le cabaret et quand je suis retournée ensuite voir des spectacles de danse contemporaine, oui. De pas réagir en mode genre « Ah oui, c'est vrai, on peut pas applaudir quand on veut... » Enfin bref. On peut pas faire des « Wouh !» Ouais, non. Ça dépend des lieux, mais... Voilà. Oui, ce rapport au public, en tout cas dans le cabaret queer, ça amène beaucoup de questions autour du consentement, autour du rapport justement aux limites du public et surtout dans des pratiques ou des performances dans lesquelles il y a beaucoup d'interactions publiques, ce que tu as parfois. Comment tu gères ça, ce rapport au public? Et parce que aussi, ça, c'est une discussion que je trouve de plus en plus intéressante sur le fait qu'il y ait des interactions publiques et par exemple le fait d'aller toucher le public pendant une perf ou quoi. Il y a des personnes qui disent bah c'est du cabaret queer donc le public entre guillemets doit être prêt à ça. D'autres personnes qui disent bah en fait non pas forcément ça doit rester ouvert à tout le monde. Est-ce que toi t'as un avis ou une vision là-dessus? Ben, en fait, plus ça va et plus je me suis dit que bah il faut faire des trigger warnings et des en tout cas informer le public que bah il y a des interactions avec la prochaine performance et que du coup les personnes qui ne souhaitent pas être touchées peuvent le manifester. Moi, j'avoue qu'au début, c'est vraiment des choses où en fait c'est des choses que j'ai appris petit à petit parce que bah ça m'est arrivé notamment au show qu'on a fait ensemble, enfin à ton show Freaks Merveilles en décembre, d'avoir des retours de la part de spectateurs comme quoi bah, à un moment donné j'avais pu toucher sans faire attention au refus de la personne. Voilà, c'est des choses que j'ai appris, que j'apprends et où je me dis bah, il y a des outils maintenant qu'on peut mettre en place pour justement respecter les limites de chacun, chacune, tout en partageant un moment. Artistique ensemble, quoi. Ouais, et est-ce que dans l'autre sens, parce on dit beaucoup au début des shows, touchez pas les performeuses Oui. sans leur consentement et tout ça, est-ce que toi, ça c'est quelque chose que tu dois gérer? Bon, en plus, tu performes aussi dans des scènes qui sont vraiment très expositives comme Sea Pit, Ouais, etc. ouais. Est-ce que c'est aussi un truc que tu dois apprendre à gérer, le rapport du public à toi pendant la perf ou hors des perfs? J'avoue que je le gère pas trop. C'est ok, ça va être un peu cheesy ce que je vais dire, mais en fait, je Merci. suis tellement dans le moment, dans l'adrénaline du truc que j'ai l'impression des fois de pas capter du tout ce qui se passe. Il y a des fois, je sors de scène et je suis là, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tout oublié. Mais tellement je suis dans l'intensité du moment. Après, j'ai jamais eu. Je pense pas avoir été touchée de manière irrespectueuse ou inappropriée. Enfin, en tout cas, ça c'est jamais arrivé que ça dépasse mes limites. Ouais, j'ai l'impression de, je sais pas, de vivre le truc et de le gérer bien. Ouais, Ouais. super. Est-ce que tu dirais que pour toi le cabaret queer et le fait de performer en cabaret, ça a été aussi une manière de libérer ton corps ou de faire plus connaissance avec ton corps ou est-ce que c'est quelque chose que la danse contemporaine t'avait déjà permis? Parce qu'on parle beaucoup dans les scènes de cabaret queer, bon, notamment drag mais pas que, du fait que pour beaucoup de performeuses, monter sur scène en cabaret queer, c'est aussi en fait une manière de s'affirmer soi-même et de se montrer au monde, quoi. Il y a un peu ce truc, alors avec des très gros guillemets mais un peu thérapeutique ou voilà. Est-ce que toi, tu as pu aussi vivre ça ou est-ce qu'en fait l'expérience que tu avais déjà en danse contemporaine et la formation que tu avais déjà en danse contemporaine t'avait déjà amené Oui, ma pratique de la danse contemporaine, ça, on va dire, entamé, enfin, ça a été le commencement de ça. Mais ouais, le cabaret, ça m'a permis encore une fois d'aller encore plus loin là-dedans et de vraiment sentir cette puissance d'affirmation de moi. Mais aussi parce que les performances que j'ai faites dans ce contexte-là, c'est des seules en scène, enfin, où j'ai été toute seule sur scène et du coup, il y a quelque chose d'assez jouissif pendant 5 minutes où tu es admiré par plein de gens, où tu balances tout et où, enfin, c'est un shot d'endorphine de ouf. Non, mais c'est hyper puissant de. Ouais, je pense que c'est la magie des paillettes, des projecteurs, d'être au milieu de la scène, regardé par tous et de. Je trouve d'avoir vécu ça, ça m'a encore plus aidé là-dedans. Ok. Pour terminer sur sur cette partie, oui, un truc, bon, ça va un peu dans tous les sens cette deuxième partie, mais on en embrasse qui vient. Ce que je trouve intéressant dans tes performances, c'est que je trouve que tu ne donnes pas de mode d'emploi. Il y a un côté où tu lances le truc. Alors, peut-être que, moi, en tout cas, dans ma tête, ça vient peut-être aussi de la danse, où comme très souvent dans les pièces de danse, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de parole, ou il y a très peu de paroles. J'y repense parce que je pensais à donc Sarah Selma Dolores, qui il y a quelques années avait dit « Moi, j'aime pas quand on me dit quoi penser au cabaret. » Et elle déplorait le fait que parfois, il y avait un peu trop des contenus entre guillemets explicites qui disaient un peu « Vous devez penser ça, et ma perf, c'est ça, et la politique, c'est ça. » D'accord. Et j'ai l'impression que toi, alors d'une certaine manière, tu t'inscris aussi un peu là-dedans, dans le sens où tu viens, tu livres ce que tu as à livrer, ton narratif, ça se sent qu'il est très très clair pour toi, mais tu ressens pas le besoin d'expliciter le message, quoi. Bah, c'est vrai que même je me suis jamais posé la question de ça, de est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que... Enfin, après, je dis ça, en vrai, je stresse, hein, parce que deux minutes avant de monter sur scène, je suis là genre, oh mon Dieu, mais en fait, c'est nul ce que je fais, les gens, ils vont pas aimer. Mais par rapport à la compréhension ou à la lecture, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, en y mettant vraiment tous les moyens. Enfin voilà, le costume, la musique, la chorégraphie, le personnage. Et j'aime bien cette idée d'embarquer les gens avec moi dans mon imaginaire, mon univers, le temps de 5 minutes, quoi. Mmh. Et sans demander la permission. Du coup, pour reboucler vers la danse contemporaine, est-ce que dans la danse contemporaine aussi t'as ce truc de en fait livrer ce que t'as à livrer et puis laisser le public avec ça? Ouais, complètement. En tout cas, sur scène, c'est comme un trou spatio-temporel. Genre, pendant la durée du spectacle, je donne tout, l'entièreté de ce que je suis. Voilà, mais en vrai, c'est voilà, je donne tout et voilà quoi. Je mets, c'est vraiment le, en fait, c'est tellement un temps hyper sacré pour moi et hyper intense que je m'excuse pas d'être là et je j'envoie tout, quoi. Oui. Voilà. Et en même temps, sans crainte de ça va être mal interprété ou ça va... Non, parce que quand même dans la danse contemporaine, en tout cas dans les spectacles dans lesquels je danse, tu es dirigé par des chorégraphes. Du coup, il y a quand même un propos à servir. C'est pas... tu fais pas n'importe quoi. En mode genre, ok, maintenant je fais un solo. Mais non, tu tiens quand même un propos, une idée, une esthétique. Donc voilà, mais c'est... en tout cas, à travers ça, moi j'interprète à fond, quoi. Trop bien. Voilà. Super. Eh ben, je vous propose de faire la deuxième petite pause musicale de cet épisode. Tu nous as amené un morceau sur lequel tu travailles. C'est... Pardon. Donc, c'est un morceau de Togo. Ça vient de son dernier EP. Et Togo, c'est le créateur sonore de mon solo. Ah oui, d'accord. Créer une musique sur mesure, mais c'est pas celle-là. D'accord, donc tu travailles avec cet artiste-là, mais là on va écouter un morceau qu'il a fait entre guillemets de son côté. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Euphoriou, c'est de Togo. On vous retrouve juste après ça. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'est toujours Frix et Merveille. Bonne écoute. petite frustration de couper ça avant la fin, mais l'heure tourne et on a encore tellement de choses à se dire. Mais merci pour la découverte, c'était très, très chouette. Bah avec plaisir. Et très contrasté par rapport à ton premier choix. Donc ah oui, bah... c'est toujours bien. Alors, bah, donc, du coup, on a parlé danse contemporaine et on a parlé cabaret. Ouais. Pour cette troisième partie, on pourrait voir comment les deux se rencontrent. Ouais. Parce que je sais que moi, par exemple, de plus en plus, vu que je suis aussi sur les deux tableaux entre le théâtre et le cabaret, de plus en plus, quand des personnes s'adressent à moi pour participer à des projets de théâtre, c'est pour mon expérience dans le drag ou dans le cabaret. Notamment, là, je joue dans une pièce où je suis en talons et je joue plus ou moins une drag queen, mais bref. Est-ce que toi aussi, du coup, tu as cette expérience que t'amènes du vocabulaire de cabaret dans de la danse contemporaine ou qu'en tout cas tu participes à des projets qui marient les deux? Oui, alors même avant de commencer le cabaret, j'ai déjà travaillé dans des pièces où on allait puiser dans ces imaginaires-là pour créer des chorégraphies. Il y a une pièce qui s'appelle Evila, dans laquelle je danse. La compagnie qui a créé ce spectacle, c'est Compagnie Vibris, et la chorégraphe, c'est Joséphine Tillois. J'en profite pour faire un peu mais de promo. C'est très bien. C'est bien de placer les noms. Et dans cette pièce, on a, par exemple, on a utilisé comme référence l'image du Peep Show. Voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, voilà, et comment on peut s'en servir pour telle partie de la chorégraphie, écrire ce mouvement ou écrire ce personnage. Je me souviens aussi, on s'était inspiré de plusieurs chorégraphies TikTok, par exemple. Voilà. Ah oui. Et comment on s'en sert, comment on sert de ce côté très frontal, très minimaliste pour écrire une chorégraphie. Voilà, l'imaginaire du strip, c'est quoi alors, comment on peut utiliser ce côté hyper sexualisé, sauce contemporaine. Enfin, voilà, il y a beaucoup de réutilisation, comme ça, d'images, d'imaginaire collectif sur... sur une figure spécifique et voilà, comment on va retranscrire ça différemment. Mmh. Voilà. Et est-ce que, parce qu'un grand sujet dans les communautés queer et drag, etc., c'est la fameuse tokenisation. Ouais. Et du coup, dans ces pratiques-là, est-ce que toi, tu sens qu'il y a un vrai appétit et une vraie envie de faire se rencontrer les mondes ou est-ce que parfois, il faut quand même un peu... entre guillemets, mettre le haut là, un fantasme qui pourrait être mis sur, par exemple, quand tu parles de Peep Show, ou tout le monde aussi, du travail du sexe ou du travail en club plus largement. Est-ce que tu sens que parfois, il faut quand même un peu remettre les pendules à l'heure par rapport à... Moi, j'ai eu, je pense, la chance de travailler avec des artistes qui sont pas allés sur ce terrain de la réappropriation, genre, ok, je prends cette image, je la mets en scène, et c'est tout, et je questionne pas ça ou machin. Je pense que c'est des... En tout cas, je trouve que c'est OK de s'inspirer d'images et de certaines références, voilà, pour créer. Pareil, c'est pas tant aussi prendre et poser ça là sans aucune raison. C'est vraiment un peu plus... c'est un peu plus complexe. Par exemple, toujours dans Evila, c'était pas tant prendre une image et la poser sur scène telle qu'elle sans réfléchir. C'était vraiment plus... En termes de réflexion collective, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Quel est notre rapport personnel à ce genre d'image, ce genre de figure? Et comment, à travers ça, on va créer une chorégraphie où on sent ce questionnement par rapport à ce sujet-là? Donc, c'était davantage de l'expérimentation, de la réflexion, de la recherche. Que on va prendre ça et on va poser ça là, voilà. Et ça ouvre sur un autre sujet intéressant dont on n'a pas eu l'occasion de parler encore, qui est donc dans ce genre de pièces comme Live Villa dont tu parles, où tu es interprète et danseuse, tu as quand même toujours une place, alors peut-être pas de co-création, mais en tout cas tu t'amènes quand même ton univers, t'amènes quand même tes propositions. Ouais, si, c'est ça. C'est quand même de la co-création. En tout cas, c'est une collaboration assez étroite avec la chorégraphe. Voilà, où tu vas proposer des choses, des idées. Et puis après, c'est au rôle de la chorégraphe de mettre ça en scène et de construire la structure. Mais oui, ça se passe beaucoup comme ça. En tout cas, dans tous les projets que j'ai faits, c'était, il y a ça. On cherche chacun, chacune dans son coin, on propose des choses. Ah bah tiens, comment on va reformuler ça, donner de la texture à ça, ça marche hyper bien avec ça, on va juxtaposer ces choses-là. Ouais, c'est... Okay. Et lié à ça, du coup, le travail de collectif, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de toi individuellement. Oui. Bah, d'ailleurs, on a parlé de ton solo, des solos que tu crées pour le cabaret. Ouais. Mais du coup, dans ces pièces-là, tu te retrouves en collectif de danseuses. C'est encore une autre dynamique ? Ouais, quand même. En tout cas, même dans mon solo, y a quand même circulation au sein de l'équipe, parce qu'on travaille, on travaille en collectif aussi. Enfin, moi, en fait, dans mon solo, je suis jamais toute seule. Et du coup, dans les projets contemporains, pareil, ça va être toujours des collaborations. Il y a la porteuse de projet qui a ses idées principales. Il y a les gens qui vont bosser pour cette personne, que ce soit des interprètes ou alors les créateurs sonores, lumières, costumes, pareil, qui vont chercher des choses, réinterpréter les idées proposées et puis créer des choses en fonction de ça. Et après, c'est comment tout s'agence, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait en collectif. Enfin, il y a vraiment une circulation, en tout cas, des énergies dans ce genre de travail-là, complètement. Et du coup, pour tirer un dernier parallèle avec le cabaret, le cabaret, c'est quand même beaucoup... des individualités oui. Mises les unes à côté des autres. Bah en fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je m'en rends compte que c'est pas du tout pour moi, c'est pas du tout pareil. En tout cas, ouais, l'aspect du coup recherche, création, chorégraphie contemporaine, c'est pas du tout la même dynamique que quand je crée des performances pour le cabaret ou en effet quand je suis dans ce contexte-là de show, de performance et tout, je fais ce que je veux toute seule. Je crée mes trucs, mes numéros, tout ça. Et c'est pas du tout la même chose pour mes autres projets artistiques, en effet. Mmh. Ouais. Ou là, du coup, j'imagine les avantages et les inconvénients d'avoir des contraintes, d'avoir d'autres personnes auprès desquelles se mettre en service. Enfin. C'est pas français cette phrase, mais c'est pas grave. Non, mais je comprends. Moi, je sais qu'en tant qu'interprète, j'adore être au service des gens. Moi, j'adore qu'on me donne des ordres. J'adore. Je me sens totalement à ma place. J'adore être interprète, en fait. Mm-hmm. J'adore interpréter des idées, des choses, danser, servir des propos artistiques et tout. Enfin, moi, Je kiffe être au travail dans ce sens-là, être dans la recherche, dans la recherche de mouvement, dans la recherche de sensations, enfin voilà. En revanche, en tant que porteuse de projet, du coup, pour mon solo, c'est vrai que c'est quand même une place un peu plus ambiguë dans le sens où, du coup, tu dois gérer une équipe. Tu es aussi, enfin, moi, en l'occurrence, je suis aussi la directrice artistique, donc c'est... moi qui vais, entre guillemets, un peu l'idée, mes idées, faire en sorte d'être bien comprise pour qu'on aille dans le sens que j'aimerais aller. Mais il y a aussi un peu un rapport un peu en mode de... Tu dois aussi gérer tes émotions. Du coup, manager aussi l'équipe, mm-hmm. aussi prendre en charge les émotions des autres. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre, c'est ce truc de... En fait, il y a l'aspect pro... où moi j'ai invité chacun de mes collaboratrices avec moi parce que j'adore leur travail, je leur fais confiance et je sais qu'ils me suivent dans mes idées, dans ma démarche artistique, etc. Mais ce sont aussi des humains, moi aussi, et des fois ça arrive de qu'on se comprenne pas ou alors que tel jour telle personne va être dans tel mood, mmh. moi aussi, et du coup il y a aussi tout cet aspect-là à gérer qui est tout nouveau pour moi et où du coup c'est un autre challenge. Voilà, être porteuse de projet, c'est quelque chose. Et on ne parle même pas encore de l'aspect écriture de dossier, partenariat, tout ça, mais... Le côté prod, maintenant j'ai la chance, là pour ce projet, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne à la prod, Zoé, qui m'a chargée de production. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout cet aspect-là. Bon, moi j'adore faire des dossiers, j'adore écrire. La comptabilité, c'est pas mon truc, mais j'aime bien cet aspect-là. Mais c'est vrai que, pareil, ça, il faut avoir aussi des skills. Enfin, c'est vrai que monter un projet, en fait, il faut... En fait, ouais, il faut pas mal de skills. je suis en train de le dire, je dis, mais en fait, c'est vrai que c'est énorme, j'en viens à tout ça. Ouais, en effet, j'avais oublié cet aspect-là, mais en effet. Ok, eh ben, c'est une belle ouverture de conclusion. Avant de te laisser filer, j'ai quelques petites questions rituelles à te poser. Bien sûr. Sans la danse, et oui, sans la danse, tu serais devenu quoi ? Tu serais devenu qui ? Oh là, Oh là là, je sais pas, parce que ça fait tellement longtemps que je fais de la danse, et je me dis, je sais pas, je pense que je serais quelqu'un de triste. Je pense, bon, après, si j'avais pas fait de la danse, j'aurais peut-être été, c'est ce que je me dis souvent, genre, soit globe-trotteuse, je pense. T'aurais voyagé. Ouais, je pense. Fleuriste. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que j'aurais été triste. J'aurais pas, si j'avais pas trouvé ce moyen pour m'exprimer, ouais. Ok. Si t'avais tout le budget du monde pour faire un show, tu ferais quoi ? Un show ? Un show. Alors, j'ai déjà autorisé à d'autres des petits. On fait un festival ou on fait un truc, mais a priori, ouais, c'est pour faire un show d'une soirée. Un show d'une soirée, allez, J'invite tous les danseurs contemporains, les pole dancereuses, les artistes que je kiffe. Et je compte mes amis dedans. Mais on fait un énorme truc méga badass, méga sexy, mais méga abstrait contemporain aussi. un mix and match de tous ces univers-là. Ouais. Trop bien. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Ouais. En fait, je crois que maintenant, je parle moins. Et c'est mon corps qui parle plus, je dirais. Parce que fut un temps, fut un temps, on n'était pas très copains, mon corps et moi, et je pense que j'étais pas très à l'écoute de tout. Attends, non, je dis n'importe quoi. En fait, c'est un peu bizarre, mais c'est un peu contradictoire, parce que pendant longtemps, je me suis sentie un peu à côté, voire en dehors de mon corps. Et en même temps, je sais que j'ai toujours été assez contente d'avoir de bonnes intuitions. J'ai toujours eu de bonnes intuitions qui m'ont permis de prendre les meilleures, je pense, les meilleures décisions pour moi dans la vie. Mais en tout cas, plus je grandis, plus j'arrive à trouver un équilibre dans ce dialogue entre moi et mon corps. Et aujourd'hui, j'apprends davantage à me taire. Voilà. Et c'est mon corps qui parle, je dirais. Lui faire confiance pour le laisser parler, quoi. Ouais, m'en remettre à mon corps. Waouh, c'est beau. Plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Camille ? J'attendais cette question. Et je vais être un peu fleur bleue, mais je dirais Merveille. Même si plus ça va et plus je trouve ma personnalité freak. Mais Merveille, parce que je suis tous les jours assez émerveillée. De voir et d'admirer la créativité des gens, que ce soit dans la danse contemporaine, dans le cabaret, dans même des projets pas artistiques, que ce soit juste des projets, par exemple, je vais citer la BAP, cette merveilleuse école. Qui est quand même assez artistique à sa manière. Et qui est assez artistique, mais où il se passe aussi plein de choses, il y a plein de propositions différentes, plein d'axes. Et de pistes de recherche, de création différentes. Mais moi, je suis assez émerveillée de ce qu'ont les gens dans la tête et de comment ils mettent ça. Ils mettent ça en forme, ils mettent ça sur scène. Ouais, je suis assez éblouie par la création en général. Donc, très bien. Merveille. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, merci d'être venu, c'était super intéressant comme épisode. Ouais. J'espère. Est-ce que ton solo, on pourra le voir bientôt, ou est-ce qu'il est encore en... Alors, on cherche encore une date de première, ainsi que des coproductions. Je suis sûr qu'il y a des super coprods qui nous écoutent. Oui, s'il vous plaît. Charleroi danse. Elle descarve, coucou. Mais en tout cas, les prochaines résidences ont lieu au mois de juin, au mois de juillet, et puis pendant la saison prochaine. Et dans un premier temps, ce sera plus des présentations de travail en cours, des sorties de résidence. Il se peut aussi que je fasse des petites présentations lors de festivals, mais voilà, c'est encore en confirmation. Super. Mais dans tous les cas, dès qu'il y a quelque chose qui peut se faire, je le communiquerai sur les réseaux. Très bien. Voilà. Ben, on reste à l'écoute, du coup, hâte de découvrir ça au plateau. Ouais. Et puis, eh bien, bonne suite à toi dans toutes ces aventures et ces mille choses. Oui. Et à très bientôt. À très bientôt. Gros bisous. Bisous. Pour résumer, dans A Way to Ceci, la chorégraphe et l'interprète est Camille Da Silva, la costumière et scénographe est Anne-Sophie Delft, le créateur sonore est Togo, dont vous avez pu entendre un de ses morceaux pendant cette émission, l'assistante à la chorégraphie est Juliette Hauteur, la make-up artist est Morgane Viennet, l'œil extérieur et aide à la dramaturgie est Margot Laborde, la chargée de production est Zoé Gravé, la créatrice lumière c'est encore en cours et le ou la régisseuse aussi encore en cours. C'est créé avec le soutien de Charleroi Danse et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et appuyé par le Théâtre Marny, la Brussels Art and Pole, le Garage 29 et les Halles de Scarbeck. Comme quoi, pour faire un projet pareil, il faut du monde. Voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain numéro. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à lâcher étoiles, cœurs, commentaires et partages pour faire connaître cette émission et à faire un tour sur son Patreon pour la soutenir financièrement. Freaks et Merveilles est une émission conçue, animée et diffusée par Croc. Les audios du podcast sont de King Baxter et les visuels de Maël Christin. Merci à Radio Panique de nous accueillir. Cette émission est propulsée par Murmure SBL, merci à elle. Et pour finir, n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène.